On va parler de basketball. On commence nos chroniques à toutes les semaines avec Pascal Jobin. Évidemment, durant les séries, je demande à Pascal le fait supplémentaire. Salut Pascal! Ça va bien, ça va bien. Pascal, d'abord, on va commencer avec l'actualité dans la NBA. Vince Carter, qui a commencé sa carrière avec les Raptors de Toronto, a décidé d'y aller pour une 21e année cette saison. Carter, c'est quoi? C'est-tu pour de la profondeur sur le banc, son leadership, quoi, qui c'est ça qui va apporter une équipe maintenant? Intéressant de voir avec Sacramento, c'est sûr qu'on veut. Il y a toujours une place pour un vétéran comme Vince Carter par rapport à montrer aux jeunes, tu sais, la NBA, c'est ouais. Les mêmes jeunes, là, les recrues ont 18-19 ans, puis si on regarde en général. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Vince Carter, ce n'est plus le joueur qu'il était, non. Mais il est encore capable d'apporter beaucoup. Puis il a fait ce que beaucoup de joueurs, pour prolonger leur carrière, améliorer son tir de 3 points, parce qu'on sait que maintenant la NBA, ouais, depuis environ 4 ou 5 ans, et le basketball s'est rendu vraiment là, les tirs de 3 points font partie du basketball intégral, même si ça fait au-dessus de 20 quelques années, là, que 30 quelques années que la 3 points existe, là, ça fait à peu près 5 ans qu'on compte sur ça. Donc Vince est un joueur, ça serait intéressant de voir avec quelle équipe il va se retrouver. Est-ce qu'il va rester à Sacramento? Est-ce qu'il va aller avec une équipe qui a peut-être une chance de faire les séries? Faut pas oublier que Vince n'a jamais vraiment y a amené les Raptors en demi-finale de conférence. Ouais. Et puis il avait manqué le tir parce qu'il avait été à sa graduation, on avait critiqué pour ça, là. Mais ce serait intéressant. Mais oui, il y a une raison. Regarde, cette année, Cleveland ont signé Kendrick Perkins, ouais, qui était dans leur ligue de développement. Plus pour être une personne positive dans le vestiaire, dans les entraînements, et les préparer les jeunes, les nouveaux joueurs, justement, là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas connu les séries. Donc, souvent, une présence d'un vétéran, parce que, tu sais, en plus, quand tu arrives dans les séries, tu ne joues pas à 10-12, là, tu es rendu à 7 ou 8 joueurs, là, finalement. Ouais. OK. Donc, 5,3 points par match. Est-ce qu'il retourne à Sacramento, est-ce qu'il va être joueur autonome à la fin de l'année? Est-ce que tu penses qu'il va trouver... Je pense qu'il va avoir un offre à quelque part. Les Raptors pourraient pour une dernière moi, année. Moi je pense que je serais pas surpris de le voir faire sa dernière année à Toronto. OK. Un peu comme le retour de Wade à Miami. Oui, ce serait le fun. Ce serait agréable parce que c'est là que tout a commencé. Hey, le match qui a eu lieu lundi à TSN, le match des étoiles un peu copié sur le McDonald's le McDonald High School aux États-Unis, là, c'est deux joueurs de Montréal qui ont été les vedettes. C'est-tu des joueurs potentiellement NCAA? C'est sûr que c'est des joueurs NCAA. OK. Je pense que Lugans Duff, qui a gagné l'année passée, il était le joueur le plus utile, puis cette année encore pour son okay. équipe. Si je me trompe mais pas. Mais NCAA est fort, là. Comment? Il a déjà signé avec Arizona State, là, c'est okay. déjà réglé, lui, c'est okay. NCAA. Okay. C'est un des meilleurs joueurs aux États-Unis. Moi, je pense que Lugans est un joueur potentiel. Es-tu? Pour la NBA, selon moi. OK. Et puis Quincy Guerrier, lui, est un autre joueur à 6 pieds 6 avec un tir de 3 points spectaculaire. C'est un joueur aussi qui devrait se trouver une place dans la NCAA, dans un très, très gros programme. Là, je pense que c'est un joueur capable de jouer dans les top 50 aux États-Unis. OK. Puis, dépendamment de ce qu'il va faire, c'est un pro, là. Je pense que les deux joueurs, c'est des gars qui vont jouer jusqu'à 33, 34, 35 ans, là, soit dans la NBA ou en Europe. OK. Ce match-là, c'est-tu copié sur le... C'est ça, c'est copié sur le McDonald's High School, hein, aux États-Unis? C'est similaire à ça, là. Ce qui est le fun, c'est que le Canada, ça fait plusieurs années qu'on fait ce match-là maintenant. Ouais. Et on retrouve les meilleurs joueurs. Il y avait aussi deux autres joueurs, si je ne me trompe pas, Junior Fakar et Tyrese, j'ai oublié son nom de famille, qui vient de la salle, qui joue à Washington maintenant, là, qui se retrouve aussi dans ce match d'étoiles-là. Là. Donc, on a plusieurs Québécois qui participent. C'est très bon. Moi, je pense qu'après Toronto, Montréal est la deuxième meilleure ville de basket au Canada. OK. Je suis convaincu. Puis, on commence à placer de plus en plus de joueurs, non seulement dans la NCAA, là, mais dans les équipes nationales. Puis, moi, j'avais deux joueurs de mon programme en passant. Ouais. Émile Rioux et puis Jamil Telfort qui ont été invités pour le U17. Donc, c'est quand même le fun d'avoir une représentation du Québec. OK. On va y aller avec les séries maintenant. Ça commence samedi. Toronto contre Washington, 1 contre 8. Les Wizards, tu pensais qu'elle affrontait les Celtics, mais finalement, c'est les Raptors. Comment tu vois cette série-là, les Raptors en 5? C'est quoi? Ouais. Ça m'inquiète un peu parce que les Wizards, avec Bradley Beal, okay, avec Marcin Gortat qui est le centre, avec Morris, et là c'est quand même le retour de John Wall, c'est une équipe intrigante. Moi je pense que ça va probablement, on a l'avantage du terrain. Moi je vais être honnête avec toi là, je pense que ça va aller en 7. Ah oui, ok monsieur, ok. Je pense que Washington est capable de causer des problèmes à cause de Gortat, qui est quand même un joueur de 7 pieds, un joueur intérieur. Tu sais, le succès des Raptors est la plus grosse différence, je pense, que dans tous les matchs, ça va être le banc de Toronto. Comment le banc de Toronto, qui est probablement le meilleur dans la NBA? Ben, c'est oui, effectivement. Je pense que la moyenne du banc par match est comme 45 points, puis la moyenne des 5 partants est comme 47 points, exemple. Là, OK. Fait que ça va être intéressant de voir, est-ce que Dwayne Casey va garder la même formule pendant les séries que pendant... Parce que la raison pourquoi je te dis ça, c'est que le banc, souvent, joue contre le banc adverse. C'est un concept de garder ton monde. Mais là, est-ce que le banc est capable de jouer contre les sept partants de Washington? Moi, je pense que Washington ont leur mot à dire dans cette série-là. Mais Toronto, je pense que Toronto a une énorme pression. C'est pas juste la ville, c'est un pays derrière eux autres. C'est au moins minimum la finale de conférence du côté des Raptors. On vise rien de moins que ça. C'est la finale de conférence. Minimum. Où les têtes vont sauter. C'est quand même, hein? Je pense que oui, mais ça sera pas une série facile contre Washington. OK. Mais je vais aller à 7 parce que l'avantage du terrain est important. OK. Je vais aller à 7. OK. Ouais. Les Celtics contre les Bucks de Milwaukee, je pense que tu vas y aller avec les Bucks. Parce que, évidemment, en raison de la perte de Kyrie Irving qui a fait très mal. Boston sont quand même deuxième, mais comme tu as mentionné, on a jamais eu Gordon Hayward. Là, ouais. L'absence de Kyrie Irving, ça change vraiment beaucoup. C'est quand même une très bonne équipe. Je dirais peut-être Milwaukee. L'avantage du terrain est à Boston. Je pense Milwaukee en 6. Milwaukee en 6, OK. Moi, je vais pas mal par ça. Philadelphie, Miami, les 76ers. Est-ce que la jeunesse des 76ers à prendre à gagner en série, ça pourrait les nuire? Ouais, puis c'est aussi leur avantage parce qu'ils peuvent courir toute la journée. Ouais. C'est une des équipes les plus jeunes dans les séries. C'est l'équipe, selon moi, la plus dangereuse dans l'Est. Parce que Ben Simmons est rendu à un niveau, selon moi, exceptionnel. C'est le meneur à 6 pieds 11 qui fait à peu près tout. Et le retour de Embiid, faut pas oublier, Joel Embiid revient. Donc ça va être intéressant de voir ça. Joel Embiid qui est un des 5 meilleurs joueurs de la NBA selon moi en ce moment. Et là, t'ajoutes tous les tirs extérieurs. Écoute, c'est une équipe explosive. Très bon entraîneur. Brett Brown, ancien des Spurs, type de Popovich. Donc, écoute, moi, je pense que Philadelphie, je vais aller en 5. OK. Philadelphie en 5, OK. Cleveland contre les Pacers. Moi, j'ai dit que les Cavaliers allaient gagner, allaient se rendre en finale encore de la NBA en raison de la présence de LeBron. Mais les voir quatrième, est-ce que c'est surprenant? Ils ont eu des blessés en masse. Ils ont changé quasiment le 5 partant. Tyronn Lue n'était plus là. Ils ont eu beaucoup de difficultés, donc ce qui explique peut-être leur quatrième position. Mais là, moi, je pense que LeBron va... C'est comme hier à Crosby. On a vu que la sonnette a sonné à Crosby, ça m'a fait. Donc, les Cavs devraient gagner. Ouais, et tu sais quoi? Philadelphie a quand même fini la saison avec 14 ou 15 victoires consécutives. Ouais. Faut pas t'oublier ça, là. OK. Écoute, je pense que Indiana pose un certain problème. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que George Hill, Clarkson va faire contre Victor Oladipo. Ils ont aussi Miles Turner, qui est un gars d'à peu près 7 pieds, un très bon défenseur, un bon joueur. C'est pas une mauvaise équipe, Indiana. Puis cette année, ils ont eu de la misère, Cleveland, contre Indiana. Okay. Ça va être un bon challenge. Moi, je pense que Cleveland, moi aussi, je les vois en finale de conférence, je dirais Cleveland, probablement, ça pourrait aller en 6. OK. Dans l'Ouest, Houston contre Minnesota. Ça, c'est dur. Ça, c'est des cas, les Timberwolves qui l'ont pas eu facile, hein. Ah, c'est pas compliqué. T'as-tu vu comment que c'était? Il n'y avait rien de joué, là, encore, là, jusqu'à lundi soir, là, dans l'Ouest, là. Le cinquième qui va être le premier, jusqu'à hier soir, ouais. Ouais, ouais, mais hier soir, c'est le gagnant du match Denver contre Minnesota, faisait ou ne faisait pas les séries. Ouais. Okay. Ça a été quand même le fun de voir ça, là. C'est Minnesota qui est en prolongation, là. Ouais, et monsieur, Minnesota qui est en prolongation, là. Minnesota, l'avantage de Minnesota, c'est, ils ont vraiment le meilleur entraîneur défensif de la NBA depuis très longtemps. Et le retour de Jimmy Butler. Donc, c'est une équipe quand même intrigante. Est-ce que Wiggins va être le joueur qu'on pense, et quand on a donné le contrat de 150 quelques millions, là, moi, je pense que Wiggins est un peu une déception. Je pense pas qu'il domine comme qu'il devrait dominer, mais c'est une équipe très dangereuse. Donc, Houston ne peut pas les prendre à la légère. Moi, je dis que Houston devrait gagner cette série-là, mais ça risque d'aller en 6. OK. Golden State contre les Spurs, ça aussi, c'est dur. Ben, premièrement, Steph Curry jouera pas la première ronde. Ouais. Ça risque d'être la série la plus difficile jusqu'au retour de Steph Curry. Et ça va être intéressant de voir est-ce que Kevin Durant est capable de mettre une équipe sur ses épaules. Ouais. Parce que c'est ça. Écoute, ils ont perdu par 40 points contre Utah l'autre fois. Et monsieur? 40 points. Okay. Donc, moi, je vois une équipe qui rentre dans les séries, qu'il y a 3 mois, était favori à Las Vegas comme à 100 000 à l'heure. Et moi, écoute, les Spurs, pas de mauvaise équipe, là. Ouais. Pas de mauvaise équipe. Ça sera pas facile. Écoute, il n'y a aucune série dans l'Ouest qui va être facile. Ah non, écoute, il n'y a aucune série dans l'Est non plus, selon moi, là. Ah ouais. Moi, je pense que Golden State, je vais aller avec Golden State, parce que je m'attends à Klay Thompson puis Kevin Durant, vraiment, qui vont connaître une bonne série, là. Mais je trouve qu'ils sont fragiles et les Spurs se sont fait à l'idée de ne pas jouer avec Kawhi Leonard. Et Manu Ginobili à 40 ans, écoute, il fait des miracles en ce moment, c'est exceptionnel ce qu'il fait là. Et les équipes de Popovich, faut toujours faire attention. Ouais, et puis, c'est... En passant, les Spurs, y a, comme tu as dit il y a quelques semaines, on pensait qu'ils ne feraient même pas les séries. Ouais. Mais ils ont réussi à faire les séries, c'est leur 21e année consécutive. C'est les Red Wings. À l'encontre. Ouais, les Red Wings de Détroit. Ouais. Tu sais, tu regardes Minnesota, c'est la première fois, je pense, en 14 ans qu'ils font ici. Hey, ça prend du monde. Portland contre les Pelicans de Nouvelle-Orléans. La grandeur contre les meneurs. Okay. Ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que j'irai avec les Pelicans. Okay. À cause de Rajon Rondo et Holiday, que je trouve excellent. Mekola et puis Damien Lillard, c'est sûr qu'ils vont être très, très durs à arrêter. Mais Anthony Davis change la game. Okay. Anthony Davis est le meilleur défenseur dans la NBA dans la position d'aide. C'est les équipes qui attaquent les Pelicans, lorsque Anthony Davis est près du panier, ils ont le plus petit pourcentage du terrain. Donc, même si on a perdu DeMarc Cousins, je pense que cette équipe est très dangereuse. OK. Il y a Oklahoma City contre les Jazz de Utah. Bon, on va aller avec les trois stars, avec les Thunder. Les Thunder de Oklahoma City contre Utah. Utah, c'est une équipe, ça me dit pas grand-chose. Depuis les années de Karl Malone, John Stockton, mais pour ça, c'est pas une équipe La vedette de Utah, c'est une recrue. Hey. T'en avais une chose. OK. OK. Et pour qu'il fasse ce qu'il a fait cette année, tu sais, comme tu as dit, t'as pas vraiment suivi. Non. Mais écoute, le dernier match contre les Warriors, ils ont rien par 40 points. Mm. C'est une équipe à surveiller, c'est une équipe dangereuse. On se souvient l'échange avec Jay Crowder qui est rendu à Utah. Mais Donovan Mitchell, à 6 pieds et 3, c'est un joueur qui fait absolument tout sur le terrain. Et c'est quand même une équipe dangereuse, mais je pense que les Thunder, ils ont trop de avec Adams au centre, avec Paul George. Carmelo Anthony qui lui attendait juste que les séries commencent, là, ça va être difficile de battre les Thunder. Moi je vois les Thunder faire beaucoup de dommages. Ça va être beaucoup plus intéressant que l'année passée. En tout cas, l'année passée on attendait la finale. C'était plate l'année passée, hein, parce que j'aime ça, mais c'était beaucoup plate. Bon, c'était écoute, je comprends ce que tu veux dire. Si on attendait la finale, c'est pas compliqué. Cette année la finale, ouais, pourrait être les 76ers. Exemple contre les Rockets. C'est-tu sa prédiction? Non. Non. Je te donne un exemple okay. de la différence. Oh, ouais. Oh, ouais. Les poissons savaient tout que c'était Cleveland Golden State. Puis ouais, on savait tout. Il y a force que c'était tellement dominant. Mais là, il y a une parité cette année. C'est beaucoup plus intéressant. C'est quoi ta prédiction? Ouais, avant de dire ma prédiction, Danny, juste ouais. te dire que Cleveland ouais. a fini la saison avec 50. L'année passée avec 51. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé à Cleveland, avec toutes les histoires, il y a une différence de un match. Fait que c'est quand même intéressant de voir ce qu'ils peuvent faire. Tu parles de la prédiction pour ouais. la finale cette année? Ouais. Bon, je peux-tu te dire le prochain match? Le prochain match? Ben, en tout cas, normalement ça c'est au début. Okay. Moi, je vais y aller avec Cleveland dans l'Est parce que j'ai dit que Cleveland et Houston. Moi, je vais aller avec LeBron parce que c'est mon joueur favori. Fait que je vais aller avec Cleveland. OK. Et ouais, Cleveland-Houston, je vais aller avec toi. Cleveland-Houston aussi, hein, donc évidemment les Rockets sont là. Pascal, on se reparle le jeudi prochain? Exact. Voilà, donc c'était le commentaire de Pascal Jobin. Les séries commencent samedi, les Raptors 17h30 contre les Wizards de Washington.